C'est bien. C'est Galaxies. La radio des tribus électroniques. Flycase. Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 16h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement. Des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase, soyez les bienvenus en ce samedi après-midi, soyez les bienvenus en ce 21 novembre. C'est un nouveau classement qui vous attend avec cette semaine. Une fois de plus, c'est bien pas mal de changements. Nouveau numéro 1, on aura l'occasion de vous en parler tout à l'heure aux alentours des 18h. Et puis en attendant, il y a un total de 3 entrées et 3 sorties. La sortie de après avec Chicago. La sortie également de Bjarki avec I Wanna Go Bang. Et enfin, la troisième et dernière sortie pour cette semaine, le groupe s'appelle Chester Page, Twist in My Sobriety, la reprise d'une tête d'Intati Karam dans les années 90. Numéro 20. Allez, on est parti tout de suite d'attaque avec la 20e position. Ça perd 2 places cette semaine. Pop Off, Animal Enemy avec Going Back, le remix de Opsia et Miss Keating. Ensemble, c'est Paris Case, numéro 19. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h. C'était la 19e position, 6 places de moins pour Paul Kalkbrenner avec Clogged Radar. Et pointé numéro 20, Lanterne Rouge cette semaine pour Pop Off et Animal Enemy Going Back. C'est le remix de Oxia et Miss Keating. Bienvenue, bon après-midi. Les 20 titres indispensables avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 18, Flycase, nouveauté. We'll be right back. numéro 17. We'll be right back.

Por el pelo, ay, yo la sembré, por el pelo, ay, yo la sembré, por el pelo, ay, la betonaga, por el pelo. numéro 14. Les 20 titres incontournables avec le nouveau team Whitney Houston à l'instant, peut-être un futur en numéro 1. En tous les cas, cela vous doit être un Facebook Flycase, ça s'appelle The Music In Me. Ça gagne une petite place cette semaine et pointé numéro 15 juste auparavant, découverte également de la semaine dernière, Crider, Tom Snar et également The Wolf avec The Putran Madre. Ça rappelle un petit peu les vacances. Bon, c'est pas un petit peu le temps qu'on voit à l'extérieur là, c'est un week-end plutôt maussade que l'on nous prévoit. Mais heureusement, la musique est là dans la radio évidemment. Numéro 15, ça gagne deux places. Avec Olivier Curtis sur Galaxy. Numéro 13. Flycase, nouveauté, nouveauté. font bouger. Flycase. Numéro 12. C'est la meilleure entrée pour cette semaine, Unitas, c'est à retenir, hein. Peut-être un futur numéro 1, c'est à vous de noter Facebook, Flyke, ça s'appelle Hush, et c'est le remix de Bébétas. Le samedi 28 novembre, dès 22h, votre vie va changer. Stéphane Wilson et Galaxy présentent Retro House Legends, 13 à l'âge de zoo. Dans la grande salle, l'équipe Retro House Legends vous dévoilera la sélection de la troisième compilation CD en collaboration avec Stéphane Wilson. Retro House Legends, 13 avec Monsieur Fifi, RVU, Will Turner et Nico Refresh. À l'âge de zoo, le 28 novembre est à marqué d'une pierre blanche. Retro House Legends, 13e édition, dès 22h, APEC en Belgique. I am excited. Flycase. Numéro 20. Ben voilà, petite erreur dans les boutons, c'est pas bien grave. Hein. Voici le récapitulatif de cette première heure. Numéro 20, ça perd deux places, Popoff, avec Going Back. Ah, nouveau matos, on bidouille un petit peu. Hein. Numéro 19, ça perd 6 places cette semaine. Paul Kalkbrenner avec Cloud Rider. Numéro 18. Numéro 18, c'était la première entrée pour cette semaine. Et on adore ce titre également. Boris Legoche et Purple Disco Machine, le grand retour avec Love. Numéro 17, Technésia et Green Velvet avec Suga, ça perd 5 places cette semaine. Numéro 16, 7 places au moins pour le collectif Turn Stress avec Sorry I'm Late. Numéro 15. était numéro 15. On adore ce titre. Petite découverte Galaxy également. Trader avec Di Puta Madre. Numéro 15, ça gagne 2 places. Numéro 14, une place de mieux pour le nouveau Timothy Milton, Music and Me. Il est accompagné de Tania Michel. Numéro 13. Trois entrées cette semaine. La seconde, positionnée numéro 13, Paul Kalkbrenner. Un album absolument sublime à posséder absolument chez vous, Feed Your Head. Plus ou moins pour la position numéro 12, 6 et Eduardo Castillo avec son bras India. Numéro 11. Et enfin la meilleure entrée, quelle nouveauté, on adore ce titre-là, Younotos et Anna Naklab avec Hush, le remix de Bebeta. Numéro 10. Et on y va avec la position numéro 10 tout de suite. Jen sera avec Curry On. indispensable. Yeah, yeah. Flycase. Numéro 9. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la 9e position à l'instant. Il s'appelle Philippe Georges. C'est le grand retour également. Il avait été numéro 1 avec son titre précédent la saison dernière. Philippe Georges avec Alone No More. Ça gagne 5 places, numéro 9 et numéro 10. Comme vient de me le signaler Michael par téléphone qui m'a demandé le titre, Jeanne Schra, c'est une purée. Ça s'appelle Carry On et c'est le remix de Chaptic et Jen Jen. C'est pointé numéro 10 et ça gagne 3 places. Bienvenue, bon après-midi, c'est Galaxy. Les 20 titres qui te font bouger, c'est Flycase. Numéro 8. Curtis. Je t'aime comme la vache de l'herbe. Numéro 7. still jumping. 6 o'clock in the morning and we're still jumping and bumping. 6 o'clock in the morning and we're still jumping. 6 o'clock in the morning and we're still jumping and bumping. 6 o'clock in the morning and we're still. 6 o'clock in the morning and we're still jumping and bumping. Titre incontournable tous les samedis entre 16h et 18h avec la 8ème position, c'est Massoplex. Ça gagne 3 places. Wash Away My Tears, numéro 7, 2 places au moins pour Pelé et Shawn Lacy avec Better for Brain. Et puis à l'instant, Alexis, Raphaël et Helter Skelter. Petite découverte Galaxy, ça gagne 2 places. Et puis ça rappellera certainement plein de souvenirs également d'un vieux titre des années 90. Et puis d'ailleurs, si vous aimez les titres des années 90, entre autres, eh bien vous pourrez les retrouver dans la Retro House Legends. S'il est en rendez-vous à ne pas manquer, c'est samedi prochain. C'est le 28 novembre, c'est à partir de 22h. Ça se déroule à la Jezo avec un line-up exceptionnel avec dans la salle principale Fifi, Frank Biazzi, RVU, Nico Refresh, Will Turner, et dans la White Room vous retrouverez Michael H, Jimmy, également Chris Collins, Matt Lumatou, Arnaud versus Wesley, pareil, Kenny Donales, DJ Jam, ainsi que John Sparks et DJ Sky. Et puis je vous rappelle également qu'il y a des préventes pour cette soirée qui se déroule au Bar Times, 18 Rue de Gand à Lille, Bus Stop, c'est au centre commercial Euralille, Happy Jeans, 65-67 Rue du Béthune à Lille. Également Recto Verso, c'est au 5 rue Jean Jaurès au village commercial Les Serres à Wascal. En Belgique, également BPM Record Store 7 rue Dodomé à Wamma, la station Q8 à Ertin au 945 Chaussée de Lille, station Q8 à Néchin, 14 rue de la Festingue à Néchin évidemment. Et le café Loco rue Émile Vanderveld, c'est à Leuze en Hainaut. Ou alors à Galaxy, vous pouvez vous les procurer ici du lundi au vendredi entre 7h et 13h et 16h-20h. Tiens, on va vous parler des soirées sur Galaxy. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy, et encore plus le week-end, la musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy. Et ce soir sur Galaxy à partir de 20h, c'est Jérôme B que vous allez retrouver. 21h Franck Lido, 22h DJ Tom, 23h Marty, à minuit DJ Storm, 1h DJ Cus, 2h Mark Lower, 3h Seth Santos, et à 4h jusqu'à 5h, c'est Pierre Terry au platine. On va s'écouter une nouveauté, tiens, tout de suite, proposition d'entrée pour la semaine prochaine. Le groupe s'appelle Rampa et le titre Macha. What? Cette semaine du classement du Flycase, c'était Clone Van Strock avec Make a Cake. Flycase, the Egal Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif de ce classement numéro 10. 3 places au moins pour Jen Schra avec Curry On, c'est le remix Chopstick et John John. Numéro 9, Philippe Georges et Anton Powers avec Alone No More. Peut-être un futur numéro 1, vous de voter Facebook Flycase, ça gagne 5 places cette semaine. Numéro 8, Massey Oplex avec Wash Away My Tears, ça gagne 3 places. pour cette belle et Sean Messi avec Better for Brain se perd 2 places cette semaine. Numéro 6. 2 places de mieux cette semaine pour Alexis Raphaël avec The Helter Skelter. Numéro 5. Pointez numéro 5, les Butch côté découverte aux galaxies avec Praise the Lord, ça perd une place. Numéro 4. Pointez numéro 4, Baker Matt avec One Day Van Dark, c'est le remix de Oliver Dollar, ça perd de place, ça gagne de place, et ouais, peut-être du numéro 1. One Day. Numéro 3. Il était numéro 1 la semaine dernière, Jude Steubenberger avec Dizzery, ça perd 2 places. Numéro 2. Et enfin Claude Van Strook, c'est ce qu'on vient de s'écouter à l'instant, avec Make a Cake, ça gagne une place numéro 2. Nouveau numéro 1 pour cette semaine, il s'appelle Daniel Lazarus avec le titre Vermilion. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Matt le Matouf dans un tout petit instant. On se retrouve la semaine prochaine à partir de 16h. You're used to being all by yourself and safe from sorrow. I know you've heard it before, but soon the sun is gonna rise. You thought you were gonna die before blood on the sky. So sick of moving your body to a well-polished life. Well, I got something to move you, move you right. From being found. plastered to the ground.